chérie, qu'est-ce que t'es faite? Si je réponds à ton DM, je laisserai ma trace dans ta vie, sans tabou, dans ta chatte et dans ta bouche. Je le ferai avec amour. Pas de raison que tu te méfies, bébé, t'es pas comme toutes les filles. Rêve de ton corps de rêve, chaque fois que j'y pense me fait des pires. Des mauvaises pensées comme Riri, oh Seigneur pardonnez-moi. Envie d'ouvrir tes boutons, je vois un bouton, j'ai ton j'en ai moi. Je voudrais rentrer dans ta mémoire, chérie, j'ai trop envie qu'on tienne. Que rien nous freine, que tu me tiennes, que tu te souviennes de toi et moi. Mais toi tu voudrais qu'on s'aime, mais toi tu voudrais qu'on s'aime. Moi je voudrais pas qu'on s'aime, mais toi tu voudrais qu'on s'aime. Moi je voudrais pas qu'on saigne, je voudrais pas qu'on saigne. Mais oui tu sais bien que j'ai pas le time, tu connais mon lifestyle. Tant qu'on est encore jeune, je le fais pour le fun. Baby tu connais mon lifestyle, tu sais bien que j'ai pas le time. Tant qu'on est encore jeune, je le fais pour le fun. Tiens on se connaît à peine, je te dis viens on crée le lien. Tant qu'on se fait pas de peine, baby tant qu'on se fait du bien. Je vois pas où est le problème, avec toi j'oublie les miens. On n'a pas la flemme, tant que chacun y met du sien. Je vois de quoi tu te méfies, je sais pas pourquoi tu te fais des films. Pourquoi toutes ces questions, oui ça m'arrive de voir des films. Mais bon de toute façon toi aussi, je sais bien quand je suis pas là, je suis le cadet de tes soucis. Viens on se prend pas la tête, viens on s'occupe de ta poussée. Viens avec toi me prendre des collages, viens j'ai ta con c'est du collal. Demande pas pour toi un verre, viens détends ta fume de l'herbe. Enlève tout le bol, je veux tout voir, je sais que je suis du père. Que tu me fais c'est super, on dirait que t'as des super pouvoirs. Mais toi tu Mais toi tu voudrais qu'on s'aime. Mais moi je voudrais pas qu'on s'aime. J'ai pas le temps pour qu'on se fight. J'ai pas toute la life. Baby je suis là pour la night. Baby tu sais bien que j'ai pas le time. Tu connais mon lifestyle. Tant qu'on est encore jeune, je le fais pour le fun. Baby tu connais mon lifestyle. Tu sais bien que j'ai pas le time. Tant qu'on est encore jeune, je le fais pour le fun. Tu sais bien que j'ai pas le time. Pas le time.